La trompette. Monsieur Lepic arrive de Paris ce matin même. Il ouvre sa malle. Des cadeaux en sortent pour grand frère Félix et sœur Ernestine. De beaux cadeaux, dont précisément, comme c'est drôle, ils ont rêvé toute la nuit. Ensuite, Monsieur Lepic, les mains derrière son dos, regarde malignement Poil des Carottes et lui dit: Et toi, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Une trompette ou un pistolet? En vérité, Poil de Carotte est plutôt prudent que téméraire. Il préférerait une trompette parce que ça ne part pas dans les mains. Mais il a toujours entendu dire qu'un garçon de sa taille ne peut jouer sérieusement qu'avec des armes, des sabres, des engins de guerre. L'âge lui est venu de renifler de la poudre et d'exterminer des choses. Son père connaît les enfants. Il a apporté ce qu'il faut. « J'aime mieux un pistolet, » dit-il hardiment, sûr de deviner. Il va même un peu loin et ajoute: « Ce n'est plus la peine de le cacher, je le vois. »« Ah ? » dit Monsieur Lepic embarrassé. « Tu aimes mieux un pistolet ? Tu as donc bien changé. » Tout de suite, Poil de Carotte se reprend. « mais non, va, non, papa, c'était pour rire. Sois tranquille, je les déteste, les pistolets. Donne-moi vite ma trompette, que je te montre comme ça m'amuse de souffler dedans. » « Alors pourquoi mens-tu ? Pour faire de la peine à ton père, n'est-ce pas ? Quand on aime les trompettes, on ne dit pas qu'on aime les pistolets et surtout, on ne dit pas qu'on voit des pistolets quand on ne voit rien. Aussi, pour t'apprendre, tu n'auras ni pistolet, ni trompette. Regarde-la bien, elle a 3 pompons rouges et 1 drapeau à franges d'or. Tu l'as assez regardée. Maintenant, va voir à la cuisine si j'y suis. Dégarpille, trotte et flûte dans tes doigts. » Tout en haut de l'armoire, sur une pile de linge blanc, roulé dans ses 3 pompons rouges et son drapeau à franges d'or, la trompette de Poil de Carotte attend qu'il souffle, imprenable, invisible, muette, comme celle du jugement dernier.